à jeter le soir qui ne vient pas. Tu ne dis rien aux pêcheurs somnolents, il ne parle à personne. Tu ne regardes pas le ciel qui tombe là-bas dans l'océan. Tu ne t'impatientes pas, tu n'es pas agacé. Tu ne vérifies pas l'heure sur ta montre. Ces aiguilles ne tournent pas dans le cadran muet. Les vagues ne roulent pas à la surface de l'eau. Et au fond les poissons ne respirent pas. Les nuages ne pleuvent pas, ils ne transportent pas leurs ombres sur le sol. Et derrière toi, la terre ne se déplie pas. Il n'y a pas d'amour dans les maisons, il n'y a pas de soleil sur la grande place, et la fontaine ne pleure pas. Les abeilles ne plongent pas dans le pollen, les arbres ne s'emploient pas à la photosynthèse, le cimetière ne veille pas ses morts, les églises n'abritent pas les murmures de prière. Les écoles ne rient pas même dans leurs cours. Dans les bars les verres ne trinquent pas. Sur les bancs du parc personne ne se repose. Les enfants ne courent pas, ne crient pas. Les voitures ne roulent pas, les hérissons ne sont pas écrasés. Les cinémas ne projettent pas de films sur les écrans noirs. Dans ta maison il n'y a pas de bruit. Les fenêtres ne sont pas ouvertes. Il n'y a pas de joie ni de tristesse. Il n'y a pas d'amour ni de haine. Il n'y a pas de choses qu'on ne voit pas, il n'y a rien à des kilomètres à la ronde, car même au-delà. Les mineurs ne descendent pas dans la terre, les volcans ne brûlent pas, la neige ne fond pas et ne tombe pas sur les montagnes. Les rivières ne coulent pas sous les ponts, les hommes ne font pas la guerre, nulle part des blessés couverts de plaies. De terre ou un dieu indifférent, pour un amour déglingué qui brûle en enfer, pour briller comme un ersatz de soleil. Tu ne hais pas personne, tu n'aimes pas personne, tu ne vis pas, tu ne meurs pas, tu n'es pas dans un passage, tu n'es pas sur la jetée, tu n'attends pas personne, tu n'es pas arrivé, enfin pas où tu voulais, mais ça n'a pas d'importance, tu n'existes pas, cette nuit, tu n'existes plus.